الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين تعلمون جميعا أن أفضل الأشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لذا يجتهد فيه المسلمون تعبدا لله عز وجل وقبله شهر شعبان الذي نحن فيه الآن وهذا الشهر له خصائص فيه خير وأحكام خاصة والكثير من الناس عنه غافلون لذا أحببت التنبيه على بعض الأمور كما كان يفعله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي وهذا الحديث أو في هذا الحديث فضل شهر شعبان وأن المسلم مطالب باليقظة طول السنة قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف فيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن هذا محبوب لله عز وجل وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا رواه البخاري ومسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان كان يصومه كثيرا حتى يقال لا يفطر فيه وذكر العلماء حكما لفعله عليه الصلاة والسلام ففيه تمهيد وتمريد لصيام شهر رمضان لئلا يدخل في صيام رمضان على مشقة وكلفة أيضا شعبان قبل رمضان وشوال بعض رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شيئا منهما فقال أهل العلم فهما بمنزلة الرواتب من الفريضة ومن فعل ذلك وجد لذة الصيام في شعبان قبل رمضان فهما بمنزلة الرواتب من الفريضة ومن فعل ذلك وجد لذة الصيام ثم دخل في رمضان بقوة ونشاط فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام والإيمان وبالصحة عليه أن يقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا التنبيه الثاني لم يبقى قبل شهر رمضان إلا القليل فمن كان عليه شيء من قضاء صيام شهر رمضان وجب عليه القضاء قبل دخول رمضان فلا يجوز تأخير ذلك إلا للضرورة أو عذر شرعي أو لعذر شرعي. المعذور يقضي بعد رمضان بعد العيد ولا شيء عليه. أما من ليس من أهل الأعذار فلا يجوز أن يتأخر بعد رمضان لقضاء أيام من شهر رمضان السابق. ومن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر فهو آثم، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي أيامه. فالحائض والمريض والمسافر وأهل الأعذار لا تتساهلوا في القضاء، فإن صيام رمضان أمره عظيم. أما الحامل والمرضع فقد اختلف العلماء هل يلزمهما القضاء أم لهما الفدية. التنبيه الثالث والرابع يتعلقان بمنتصف الشهر، أي شهر شعبان. أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم الكبار وأنكره على سبيل المثال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد رحمهم الله وغيرهما، وحسنه البعض كابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأكثر أهل العلم على عدم العمل به وعلى فرض صحته. قال الإمام الشافعي في معنى الحديث رحمه الله تعالى: منع ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة ولم يصم قبلها. يعني ليس لك أن تبتدئ صيام شهر شعبان في منتصف الشهر، ولكن إذا بدأت من أول الشهر لك أن تستمر في ذلك. التنبيه الرابع: في هذا الشهر ليلة طيبة مباركة فيها يغفر الله سبحانه وتعالى لبعض عباده المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري والطبراني وابن حبان عن معاذ وصححه العلامة الألباني: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. المشاح هو الذي عنده حقد على بعض إخوانه المسلمين، فإياكم والشرك فإنه أظلم الظلم وأكبر الذنب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإياكم والشرك فإنه أكبر الكبائر. ويقول الله سبحانه وتعالى حثا على اجتماع الكلمة وتحقيق الأخوة الإسلامية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والتقوى هاهنا، رواه مسلم. والتنبيه الخامس والأخير: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. Vous savez tous que le mois le plus béni de l'année et le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le mois de Ramadan. C'est pour cela que l'ensemble des musulmans se sont concurrence durant ce mois dans les bonnes actions, dans la piété et ceux qui plaît Allah subhanahu wa ta'ala comme parole et action. Avant cela, avant ce mois, il y a le mois de Sha'ban, le 8e mois de l'année lunaire, le mois dans lequel nous sommes entrés bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. C'est un mois durant lequel beaucoup sont distraits, car ils attendent tous le mois de Ramadan. Mais sachez, chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala, que ce mois a plusieurs particularités. Et c'est un mois auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait beaucoup d'importance. Et il le jeûnait tout particulièrement. Donc la première remarque est de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup ce mois, le mois dans lequel nous sommes entrés, le mois de Sha'ban. Usama ibn Zayd radiallahu anhu a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi est-ce que je te vois jeûner durant le mois de Sha'ban ce que tu ne fais pas durant les autres mois? C'est-à-dire que tu jeûnes, pourquoi est-ce que tu jeûnes beaucoup ce mois, bien plus que les autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: car c'est un mois durant lequel les gens sont distraits. C'est un mois durant lequel les gens sont dans l'insouciance. Ils se trouvent entre Rajab, le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et c'est un mois durant lequel les actions sont montrées ou bien remontent vers Allah. C'est un mois durant lequel les actions remontent vers Allah, le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actions remontent vers Allah alors que je suis en état de jeûne. Alors que je suis en état de jeûne. Dans ce hadith, on y voit clairement le mérite du mois de Sha'ban et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait beaucoup. Aussi, on nous met en garde contre l'insouciance. Aussi, on nous met en garde contre l'insouciance. Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur du mois de Ramadan et c'est également le Seigneur de l'ensemble des mois et des jours et des minutes. Il nous faut donc être vivants et éveillés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant Ramadan, mais également avant et après Ramadan. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, dans ce hadith il y a la preuve qu'il nous est recommandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus particulièrement dans les périodes où les gens sont distraits et insouciants. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala alors que la plupart des gens sont dans l'insouciance et la distraction, celui-ci aura une meilleure récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah aime cela de lui. Aïcha radiallahu anha également nous a décrit l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son jeûne durant le mois de Sha'ban. Elle nous dit radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné un mois entièrement à part le mois de Ramadan. N'a jamais complété un mois par le jeûne si ce n'est le mois de Ramadan. Et le jeûne qu'il faisait le plus, les jours qu'il jeûnait le plus après Ramadan, était durant le mois de Sha'ban. Il jeûnait Sha'ban entièrement. Dans une autre version, il jeûnait Sha'ban, ou bien la plupart du mois de Sha'ban. C'est cela que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. Au point où certaines de ses épouses ont dit qu'il jeûnait tout Sha'ban. Mais en réalité, en réunissant l'ensemble des textes, on comprend qu'il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban et non pas Sha'ban entièrement. C'est ainsi que se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons en lui, en sa personne, un parfait exemple, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset dont la traduction est: vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager, en la personne du messager d'Allah. Les savants ont cité les sagesses de beaucoup jeûner durant le mois de Sha'ban. Ils ont dit, rahimahumullah, que celui qui jeûne beaucoup durant le mois de Sha'ban, cela sera pour lui comme une introduction au jeûne du mois de Ramadan. Ça sera pour lui également un exercice, afin qu'il n'entre pas dans le mois de Ramadan avec difficulté. Avec difficulté, celui qui jeûne beaucoup durant le mois de Sha'ban aura habitué son nefs, aura habitué sa personne, aura habitué son estomac et ses passions à la retenue, au jeûne. Donc lorsqu'il entrera dans le mois de Ramadan, il sera habitué, il y entrera avec vigueur, avec force pour jeûner son obligation. Les savants ont également dit que parmi les sagesses de jeûner dans le mois de Sha'ban, tout comme il nous est légiféré de jeûner les six jours du mois de Shawwal, donc il nous est légiféré de jeûner avant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Les savants ont donc dit que de jeûner dans le mois de Sha'ban et de jeûner six jours du mois de Shawwal avant donc et après le mois de Ramadan à la même place que les prières surérogatoires avant et après les prières obligatoires. Ceci vient compléter, ceci vient pallier aux manquements et aux imperfections qu'on a pu avoir dans le jeûne du mois de Ramadan. Et ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui a été gardé en vie par Allah azza wa jal avec foi et santé, qu'il ne soit pas avare envers sa propre personne et qu'il essaye de jeûner certains jours ou beaucoup du mois de Sha'ban. La deuxième remarque, c'est que il nous reste quelques jours avant l'entrée du mois de Ramadan. Celui donc qui avait des jours à rattraper ne doit pas en être distrait. Il a l'obligation de les rattraper avant l'entrée du mois de Ramadan. Et celui qui ne le fait pas, puis se retrouve dans le mois de Ramadan, alors qu'il n'avait pas d'excuses, il n'a pas rattrapé ses jours manqués, à l'image de la femme qui a ses menstrues, à l'image de l'homme qui est en voyage et qui a préféré ne pas jeûner, à l'image du malade qui avait une maladie passagère, celui qui laisse le mois de Ramadan entrer alors qu'il n'a pas rattrapé ses jours aura désobéi Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il devra se repentir et rattraper ses jours. Au point, certains savants ont dit qu'en plus de cela, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il a retardé. Il devra nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il a retardé. Naam, ceci est la parole de certains savants. Et je ne connais pas de preuves à ce sujet, juste pour vous montrer la gravité de cette action. Quant à la femme qui était enceinte, quant à la femme qui était ou qui est enceinte, quand la femme qui allaitait ou qui allait, les savants ont divergé dans son cas. Certains ont dit qu'elle doit rattraper, et d'autres ont dit qu'elle peut nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a jeûné. Pour chaque jour non jeûné, wallahu a'lam. La troisième et la quatrième remarque fait référence à la moitié du mois. La troisième remarque est que le prophète sallallahu alayhi et qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: arrivé à la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez plus jusqu'à l'entrée de Ramadan. Arrivé à la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez plus jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan. Sachez, chers frères, que beaucoup de savants disent que ce hadith était daif, que ce hadith n'était pas authentique. Et l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ne l'a pas accepté, d'autres parmi les savants. Et sachez, quand bien même ce hadith serait accepté, de par sa chaîne de transmission et son authenticité, l'imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala a expliqué en disant que ceci concerne que ceux qui n'ont pas du tout jeûné avant la moitié du mois de Sha'ban. Quant à celui qui a jeûné dans la première quinzaine du mois de Sha'ban, il lui est permis de continuer et de jeûner dans la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban. Et c'est l'avis qui a été soutenu par certains grands savants de notre époque. La quatrième remarque, c'est qu'à la moitié du mois, il y a une nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préférée à beaucoup d'autres. Une nuit dans laquelle il accorde un grand bienfait à ses serviteurs musulmans, à ceux qui rempliront les conditions citées dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'arrivé à la moitié du mois, dans la nuit de la moitié du mois, Allah pardonne à l'ensemble de ses serviteurs, excepté deux personnes. À la moitié du mois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à l'ensemble de ses serviteurs, sauf à deux personnes. Celui qui fait du shirk, l'associateur, et Al-Mushahid. Al-Mushahid, c'est-à-dire celui qui a de l'inimitié dans le cœur contre le musulman, contre son frère. Celui qui est en dispute avec son frère. Celui qui a de la haine dans son cœur à l'égard de son frère, poursuivi de ses passions. Poursuivi de ses passions, pas par une cause légiférée. Donc il nous faut étudier ce qu'est le shirk pour nous en préserver, invoquer Allah Azza wa Jal qu'il nous en préserve. Il nous faut nous éloigner du shirk sous toutes ses formes. والشرك دعوة غير الله معه. الشرك, c'est le fait d'invoquer un autre avec Allah, c'est le fait de donner le droit propre d'Allah à autre que lui. Il faut nous éloigner de toutes les formes de shirk. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne dans le Coran qu'il ne pardonne pas ce péché. Et que celui qui tombe dans le shirk, Allah lui annule toutes ses œuvres. Et il ne lui accorde aucune place au paradis. Iyadan billah. Le deuxième point auquel on nous appelle dans ce hadith, c'est nous éloigner de toutes les causes de dissension, de division et de haine dans la communauté. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous appelle à concrétiser la fraternité musulmane. Il nous dit dans un verset dont la traduction est « Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc entre vos frères et craignez Allah afin d'obtenir la miséricorde. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas. Il ne le trahit pas. Il ne le méprise pas. La foi se trouve ici et il a montré son cœur. » Et il suffit comme mal de mépriser son frère. Il suffit comme mal accompli de mépriser son frère. Et la dernière remarque, la cinquième et dernière remarque, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jeûner les deux derniers jours du mois de Sha'ban. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas devancer le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours. Ne faites pas devancer le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours. Exception faite de celui qui avait un jeûne habituel. Comme celui qui, par exemple, jeûne le lundi et le jeudi. Il a la permission, lui, de continuer à jeûner. Quant aux autres, ils doivent s'abstenir afin de ne pas laisser place à l'exagération. Afin de ne pas laisser place à l'exagération. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma barik ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a la mère, plusieurs mères de certains de nos frères qui sont gravement malades. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالشفاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا رضا المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.